France Inter. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, 1942, le voyage à Berlin de Daniel Darieux. Le 18 mars 1942, une foule se presse à la gare de l'Est à Paris. Les plus célèbres acteurs et actrices français s'apprêtent à partir pour Berlin. Le but du voyage, promouvoir la collaboration artistique avec l'Allemagne nazie. Parmi les belles en manteau de fourrure, bibi sur la tête, fleurs dans les bras, il y a la charmante Danielle Darieux, 25 ans, déjà une star de cinéma. Elle aussi sourit au photographe depuis la fenêtre du train. Ce train qu'on appellera bientôt le train de la honte. Danielle Darieux, comment ne pas adorer cette actrice au sourire radieux et à la voix claire qui a accompagné tout le cinéma du XXe siècle. Depuis Meyerling jusqu'aux 8 femmes de François Ozon, en passant par la ronde de Max Ophuls et les demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Après la guerre, Danielle Darieux affirmera n'avoir participé à ce voyage que pour sauver son amant emprisonné en Allemagne. Mais la jeune actrice, naïve ou refusant de voir, n'a pas pris la mesure de l'impact politique de ce fameux voyage à Berlin. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Jérôme Abenet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien du cinéma, l'auteur en 2023 d'un livre, Voyage à Berlin, Danielle Darieux sous l'occupation. Alors, l'épisode dont nous allons parler n'est pas le plus sympathique de la vie et de la carrière de Danielle Darieux. C'est une actrice, j'imagine, que vous aimez beaucoup, comme moi. J'aime beaucoup Danielle Darieux, absolument. Et je ne pensais pas d'ailleurs un jour avoir à écrire sur ce voyage. Mais je pense que c'était important de le faire parce que même les gens qu'on aime, on essaie toujours de trouver un peu les failles et ça nous les rend plus humains aussi. Voilà, donc... Une vie assez incroyable. C'est... Donc elle est née en 1917 et elle va mourir à 100 ans en 2017. 2017. Elle avait fait le pari de mourir après 100 ans et elle est morte peu de temps après son anniversaire. Elle était née le 1er mai en plus, 1er mai 1917. Et quand elle s'en va à Berlin, c'est certainement la plus grande star du cinéma français. En fait, elles sont deux en réalité. Il y a elle et Viviane Romance, qui est un petit peu tombée dans l'oubli aujourd'hui, mais c'est vraiment la grande star du cinéma français. Alors notre objectif, bien sûr, ici, n'est pas de juger ou de justifier, mais bien de comprendre comment cette jeune actrice, déjà donc très connue, accepte de mettre sa popularité au service de la propagande nazie quand même, d'aller dîner chez Joseph Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler. Alors d'abord, on peut le rappeler, donc, il y a eu ce voyage à Berlin en mars 42 avec les comédiens, il y a eu d'autres voyages avant, hein, en automne, à l'automne 41, des écrivains, des musiciens, des chanteurs lyriques, des peintres, des sculpteurs aussi. Il ne manquait donc que le cinéma. Pourquoi était-ce si important pour les Allemands ? Et parce que le cinéma, c'est l'objet principal de la propagande du Troisième Reich. Il ne faut pas oublier l'importance de Goebbels, qui se veut et qui est d'ailleurs le maître du cinéma allemand. Et c'est l'outil principal de toute la propagande du Troisième Reich. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi qu'il faut pas oublier non plus, depuis les années 20, les Allemands et les Français font des films ensemble, des coproductions, soit chez l'un, soit chez l'autre. Et l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 33 n'a absolument rien changé à cet état de fait. Donc, ça change un peu dans le sens de la propagande quand même. Et la signification qu'il y ait des comédiens qui partent en Allemagne, c'est plus la même. Disons, oui, disons que ça, entre 33 et 38, ça ne change pas grand chose, en fait. Ce sont pas des films de propagande qui sont tournées, c'est des petits films, des films pour attirer du public, des comédies légères et des choses comme ça. Là, on est dans un cas un petit peu particulier. Pendant la guerre, il n'y aura aucune coproduction franco-allemande, bien entendu. Et si Danielle Darieux s'en va, je ne pense pas, comme vous l'avez dit, qu'elle ait eu conscience à ce moment-là de participer à la propagande. Alors, l'histoire que je vais raconter dans un instant commence en août 1940. Danielle Darieux, alors, a 23 ans. C'est déjà une star hein, du cinéma français, même international à ce moment-là. Elle a commencé très jeune. Elle a commencé à 14 ans avec un film qui s'appelait Le Bal, pour lequel on a composé des chansons spécialement pour elle, puisqu'en plus, elle chantait remarquablement bien. Elle est devenue une star internationale en 1935 avec Meyerling. Et puis ensuite, elle est partie aux États-Unis. On lui a proposé un contrat pour passer 3 ans aux États-Unis. Elle n'a fait qu'un seul film là-bas, Coqueluche de Paris, qui n'est pas une grande réussite. Avec Douglas Fairbanks. Voilà, Junior, avec Douglas Fairbanks Junior, absolument. Bon, c'est une gentille comédie, mais c'est pas un grand souvenir. Et puis elle est revenue, elle a cassé son contrat parce qu'en fait, elle s'ennuyait beaucoup. Et c'est d'abord et avant tout une grande star européenne. En fait, elle ne fera vraiment carrière aux États-Unis qu'après la guerre. C'est fou de penser que peut-être si elle n'était pas partie des États-Unis, elle aurait réalisé donc tous ces films qu'elle avait sur lesquels elle s'était engagée à Hollywood. Peut-être qu'elle aurait passé le reste de la guerre aux États-Unis. Ah, c'est possible. Elle aurait peut-être croisé d'autres membres de la communauté française, qui était une communauté importante. Elle y aurait sans doute vu Jean Gabin, Michel Morgan, qui était une de ses amies, et d'autres. Mais voilà, elle est rentrée dès 1937. Elle n'est pas restée. En quoi est-ce qu'elle était différente des autres? Qu'est-ce qu'elle a apporté au cinéma français déjà dans ces années 30? Elle a apporté de la légèreté, elle a apporté un ton enjoué, une gaieté de vivre, un jeu naturel, ce qui n'était pas encore le cas au début des années 30, puisque c'était les acteurs sortaient du théâtre, et c'était le début du cinéma parlant, il faut aussi se souvenir de ça, hein. Son premier film, c'est en 32, c'est un des premiers films parlants. Elle a apporté toute sa joie de vivre, et tout son naturel, et toute sa jeunesse, 14 ans quand même, quand elle commence, et très rapidement, elle est devenue une forme de modèle pour toutes les jeunes de sa génération. Elle était un petit peu en décalage avec toutes les autres vedettes de l'époque qui étaient beaucoup plus dramatiques, avec des films un petit peu plus prise de tête. Elle amène vraiment ce vent de jeunesse, et puis elle avait un corps très plastique qui lui permettait aussi de faire à peu près tout et n'importe quoi. Elle dansait très bien, et en fait ça rappelle un petit peu Katharine Hepburn. Voilà, c'est un peu oui, la Katharine Hepburn un peu française. De l'humour. Oui, il y a ça, exactement. Une facilité pour les comédies. Absolument, grande drôlerie. Merci beaucoup Jérôme Bimbenet. On reprendra tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, 1942, le voyage à Berlin de Daniel Darieux, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Mais où est passé Henri? Viviane nous attend pour jouer au tennis. Ça lui ferait du bien, il est tellement nerveux. Depuis notre arrivée à Cannes, il passe son temps à fumer et écrire des scénarios. Alors je lui ai pourtant dit, personne ne sait si les tournages reprendront un jour. Et puis au fond, je crois que je ne serais pas fâchée si tout cela s'arrêtait. Le succès est décidément un mystère. Quand j'ai envoyé promener les Américains à Hollywood, j'ai bien cru que ma carrière était terminée. Mais non. J'ai jamais été autant demandée depuis. Il faut dire qu'Henri avait le vent en poupe. On ne peut pas en dire autant de notre mariage. Il s'ennuie, et moi aussi. Je passe mes journées à regarder les gens sur la croisette derrière mes lunettes noires. D'ailleurs, ça fait plusieurs jours que je vois passer un très beau garçon, très chic, avec à chaque fois une jolie femme. Il va souvent au bar du Palm Beach vers midi. Je vais me débrouiller pour le croiser là-bas. Août 1940. Daniel Darieux a 25 ans et déjà une vedette internationale. Elle est mariée au réalisateur Henri de Coin, de 27 ans son aîné. Ensemble, ils se sont réfugiés sur la Côte d'Azur en mai 1940. Artistes et célébrités y mènent une vie insouciante, loin des privations qu'endure le reste de la population. Mais en novembre, le couple revient à Paris. Les théâtres et les cinémas ont rouvert leurs portes, suivant la volonté d'Hitler, qui souhaite que la capitale française reste un lieu de divertissement pour l'armée d'occupation. Le ministre de la propagande allemand, Goebbels, a ainsi décidé de centraliser la production cinématographique française au sein d'une firme, la Continentale. À sa tête, il a nommé Alfred Greven, un Allemand, membre éminent du parti nazi. Avec lui, De Coin et Darieux signent pour plusieurs films. Ils se séparent peu après et continuent de mener à Paris une existence protégée. Le 15 novembre 1940, Daniel Darieux se rend à une fête dans un hôtel particulier à Paris. Tiens, la belle inconnue de la croisette. Vous vous souvenez de moi? Naturellement. Où étiez-vous pendant tout ce temps? J'ai dû rentrer pour rencontrer les producteurs de la Continentale. La Continentale ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ? Vous ne savez pas ? Pardonnez mon ignorance. Je ne m'intéresse qu'à trois choses. Le sport, les voitures et les femmes. La vie, en somme. Votre réputation vous précède. Tout le monde connaît l'extravagant représentant de la République dominicaine en France. Sans doute parce que je ne représente rien à part moi-même. J'ai dû passer en tout et pour tout une semaine à Vichy. L'hôtel des ambassadeurs n'est pas mal, mais je préfère de loin le Carlton. On dit que vous êtes un excellent diplomate parce que vous savez mentir et que vous plaisez aux femmes. Si les relations internationales pouvaient se décider dans la chambre à coucher, je serais le maître du monde. Venez, ma chère. Où ça ? À ma table. La vôtre est beaucoup trop sérieuse. Je vous ai vu bâiller d'ennui tout à l'heure. Pas du tout, je bâillais parce que j'avais faim. Allons donc. Gâcher un Dom Pérignon en commentant la réélection de Roosevelt. Un peu plus et on va parler de la guerre. Savez-vous ce que je réponds quand on me demande comment j'ai vécu l'exode ? Alors ? J'ai passé 3 jours sur la route et 3 mois chez le coiffeur. Vous avez eu absolument raison. Que faire d'autre ? Heureusement, j'ai l'impression que les Allemands sont décidés à laisser les Parisiens respirer un peu, à part ce couvre-feu ridicule. Mais avec un Ausweis, on passe partout. Vous, peut-être. Moi, je n'en ai pas. Vous n'en avez pas besoin. Votre laissez-passer, c'est votre visage. Moi, avec ma tête de métèque, si je ne l'avais pas, cela ferait longtemps que je serais arrêté. Vous croyez ? Et comment ? C'est la même chose dans mon pays. Trujillo, notre président, veut un pays blanc, éliminé de toute trace de sang noir. Moi, je suis dans ses bonnes grâces parce que sa fille est amoureuse de moi et que je peux, à la rigueur, passer pour un Espagnol. J'avoue que je m'intéresse assez peu à la politique. J'ai tourné en Allemagne avant la guerre, mais je ne faisais pas attention à ce qu'on disait d'Hitler. Mais vous étiez une enfant, sous la tutelle de votre vieux mari, n'est-ce pas ? Ne parlez pas d'Henri comme ça. Même si nous sommes séparés, je ne fais rien sans lui demander son avis. Alors il va falloir que je lui demande sa permission avant de passer la nuit chez vous. Vous êtes bien sûr de vous. C'est parce que je suis déjà pratiquement chez vous. Comment ça ? J'habite au 9 boulevard Julien Potin à Neuilly. Ça alors ? J'habite au 7 ? Je sais. La première fois que j'ai vu votre voiture garée dans la contre-allée, j'ai été jaloux. Un coupé rose en garde décapotable, rien que ça. Puis, en m'approchant, j'ai vu 3 lettres en or gravées sur la carrosserie. D-D-D. Eh oui, Daniel Darieux de Coin. Sauf que ce modèle est déjà dépassé. Je vous offrirai un petit bijou, la Delahaye 135 MS. Et je ferai graver dessus D-D-R, Daniel Darieux Rubirosa. Le lendemain, Rubirosa fait envoyer à Daniel une corbeille de fleurs avec sa carte. L'actrice est conquise par le playboy sulfureux. Son entourage la met en garde. Le diplomate est un personnage trouble qui a la réputation d'être à la fois espion, gigolo et escroc. Mais amoureuse, Danielle n'écoute personne. En août 1941, elle assiste avec lui à la projection de son film « Premier rendez-vous » et officialise leur relation. Les amants se partagent désormais entre Paris, Vichy et la Côte d'Azur. Mais en décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre. Trujillo, le président de Saint-Domingue, s'allie à Roosevelt et Rubirosa est désormais considéré comme un ennemi de l'Allemagne. Daniel Darieux fait jouer ses relations pour qu'il ne soit pas inquiété, notamment auprès de l'ambassadeur allemand en France, Otto Abetz. Rubirosa en profite pour continuer sa vie de boisson et d'excès. Le 15 janvier 1942, peu après minuit, il fait son entrée avec Daniel au cabaret L'Aiglon, rue de Berry. Bravo ! Bravo ! Elle est vraiment magnifique, cette chanteuse. Et t'as vu ses jambes ? Arrête ton numéro, tu veux. Alors, la star est jalouse qu'on lui vole la vedette ? J'ai parié que ton vieux ne t'amenait jamais dans des endroits comme ça, pas vrai ? Arrête de parler d'Henri comme ça. Garçon ! À notre cognac, s'il vous plaît. Non ! Apporte-moi plutôt la bouteille. Porfirio, arrête. Il y a des officiers allemands à la table d'à côté. Ah, mais moi j'adore les Allemands. Messieurs, Herren, santé, salut. Ah, mais on m'a pas servi. Je peux quand même pas trinquer avec un verre vide. Garçon. À votre santé, monsieur. Et mademoiselle. Ah, c'est beau ça! La plus belle musique du monde! Si mon ami Django était là. Mais ça ne plairait pas à messieurs les Allemands. Ils n'aiment pas trop les tziganes. Tais-toi, tu as trop bu, on s'en va. Au contraire, nous aimons beaucoup le jazz. Ah oui? Même quand ce sont des nègres comme moi qui jouent? Messieurs, veuillez excuser mon fiancé, il a trop bu. Pas du tout. Comprenez-moi bien, hein. Je m'en fiche de la politique. Mais je n'aime pas qu'on embête mes amis. Monsieur, il y a des dames ici. Je vous conseille de quitter cet endroit. Moi, partir? Mais vous ne savez pas qui je suis. Je suis Porfirio Rubirosa, ambassadeur. Regardez, regardez, ça c'est un laissez-passer signé de votre chef Otto Abetz. Je suis intouchable. Vous avez compris? Verstanden? Jetzt reicht's aber. Mais Porfirio, mon fait, t'es fou! Bring him back! Weg mit ihm! Ruby, ça va? Ruby! Le lendemain matin, à peine dessoulé, Rubirosa est arrêté à son hôtel pour avoir frappé un officier de la Gestapo. Daniel Darieux se précipite chez Abetz. Mais celui-ci lui fait comprendre que son encombrant fiancé a dépassé les bornes. Rubirosa est envoyé en Allemagne, à Bad Nauheim, dans une résidence surveillée où sont regroupés les diplomates des pays ennemis. En réalité, il s'agit d'une prison dorée. Les prisonniers disposent d'une suite confortable avec du personnel et ont droit de sortir pendant la journée. Mais Daniel Darieux, séparé de son fiancé, vit dans l'angoisse. C'est alors qu'Alfred Greven, le directeur de la Continentale, la convoque à son bureau sur les Champs-Élysées un matin de février 1942. 15 jours sans nouvelles. Je commence à devenir folle. Qu'est-ce que Greven peut bien me vouloir ? Abetz m'a dit qu'il lui avait téléphoné personnellement pour l'informer de l'incident. Comme si c'était une affaire d'État. Je connais mon Ruby, doit être atrocement malheureux là-bas. J'ai demandé à Abetz si on pouvait au moins le laisser monter à cheval pour qu'il se change les idées, mais pas de réponse. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je n'ai jamais connu ça. Dans mes films, je jouais la comédie de l'amour, mais au fond, je ne savais pas ce que c'était. Avec Henri, ce n'était pas pareil. C'était plus calme, plus tendre, alors qu'avec Ruby, j'ai l'impression que je vais mourir d'un instant à l'autre. Je vais en parler à Greven. Il pourra peut-être faire quelque chose. Daniel, je vous trouve mauvaise mine. Vous imaginez bien que je ne dors plus beaucoup ces derniers temps. C'est justement pour ça que je vous ai fait venir. C'est vrai ? Vous allez pouvoir nous aider ? Absolument. Oh, merci, Alfred. Merci. Je vous ai toujours adoré, vous êtes comme un père pour moi. Et j'en suis très touché, ma chère Danielle. Bon, pour Porfirio, j'ai eu à bête ce téléphone, Il est très remonté. Il ne veut pas entendre parler de libération pour l'instant. Alfred, il n'a fait que se défendre, je vous assure. J'étais là, c'est l'officier allemand qui l'a provoqué. Laissez-moi terminer. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir le voir bientôt. Mais où ? Nous allons organiser une projection de premier rendez-vous à Berlin. Herr Goebbels et moi-même aimerions beaucoup que vous soyez présente. De là, vous pourrez aller à Bad Nauheim et passer quelques jours avec lui. Alors ? Je ne sais pas. Henri viendra aussi ? Il n'a pas encore confirmé sa présence. Je voudrais en parler avec lui avant, pour lui demander son avis. Henri a beaucoup de talent, mais c'est vous la star du film. C'est vous que le public allemand veut voir. Oui, je comprends. Il n'y a pas à hésiter. Je dirais même que toute hésitation de votre part paraîtrait suspecte aux yeux de ceux qui vous protègent. Oui, enfin, j'ai bien le droit de réfléchir. Dans votre cas, ce n'est pas très conseillé de réfléchir quand l'invitation vient de Herr Goebbels en personne. En cherchant bien, on pourrait trouver des juifs dans votre famille. C'est ridicule, nous ne sommes pas juifs. En êtes-vous bien sûr ? Vous savez à quel point certains de mes collègues sont attillants. Peut-être, mais ce n'est pas le cas. Faites-le alors pour une personne qui vous est très proche en ce moment. Et à qui il pourrait arriver de gros ennuis. Ne touchez pas à Porfirio, vous entendez ? Sinon je... Sinon quoi ? Daniel, vous êtes une enfant. Vous croyez que votre célébrité vous met à l'abri de tout. Je vais vous dire quelque chose que papa Henri a oublié de vous apprendre. Dans la vie, tout a un prix. Rien n'est gratuit. Vous êtes un... Il y a une minute, j'étais comme un père pour vous. Je vous rappelle que vous avez signé pour 3 films avec nous. Or, rien dans votre contrat ne stipule qu'ils doivent être tournés en France. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que nous pourrions très bien vous obliger à tourner dans des films allemands, comme votre compatriote Harry Bohr, qui a eu l'intelligence d'accepter au vu de la situation délicate de sa femme. Je vous demande simplement de passer quelques jours à Berlin. Avouez que ce n'est pas grand-chose. Et quand ce sera fini, vous pourrez aller roucouler auprès de votre cher et tendre. Bon, j'accepte, mais à deux conditions. J'irai à Berlin, mais pas plus de 3 jours. Et j'exige que Porfirio soit libéré. Il sera libéré si son dictateur de pacotille relâche les agents nazis qu'il a fait jeter en prison. Et comment voulez-vous que j'obtienne ça ? Demandez à votre fiancé. La diplomatie, il connaît ça, n'est-ce pas ? Il ne fait quand même pas que boire et se bagarrer dans des boîtes de nuit. Comptez sur moi. Henri de Coin conseille à Daniel de refuser le voyage, mais elle accepte, dans l'espoir de faire libérer Porfirio. Alfred Greven obtient également l'accord de Viviane Romance, Suzy Delair, Albert Préjean et René Darry. La plupart sont déjà allés à Berlin, car en réalité, la collaboration artistique avec les nazis a commencé bien avant la guerre. Dès l'arrivée d'Hitler en 1933, les producteurs français n'ont pas hésité à s'associer aux studios allemands, technologiquement plus performants, pour lancer des coproductions. Le matin du 18 mars 1942, il fait gris et froid. Une foule de journalistes piétine sur le quai de la gare de l'Est, à Paris, pour immortaliser les vedettes qui s'apprêtent à monter dans ce qu'on appellera plus tard le train de la honte. À leur côté, le docteur Otto Dietrich, chef du service de presse du Reich, qui a organisé le voyage. S'il vous plaît, laissez passer les vedettes. Bon, arrêtez avec vos photos. Vous allez nous faire rater le train. Allons, allons, allons, allons, messieurs. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Reculez, merci. Est-il vrai que Daniel Darieux a un compartiment à part ? Oui, mais elle sera la plupart du temps avec ses camarades. Merci, messieurs. On a cette photo, là ? Comment ça, docteur Dietrich ? Daniel a un compartiment rien que pour elle ? Ma chère Suzy, je vous ai installé avec Viviane. Vous serez très bien. Oui, bien sûr. Quel chameau, celle-là ? C'est elle, non ? Mademoiselle Darieux ! Mademoiselle Darieux ! Mademoiselle Darieux ! Par ici, s'il vous plaît. Magnifique. Votre fiancé est prisonnier en Allemagne. Oui, mais il sera libéré très bientôt. Merci. Merci, messieurs. Les vedettes vont à présent monter dans le train. Elles vont se mettre aux fenêtres. Et vous pourrez prendre des photos. À l'entrée du train, là. Ça, c'est génial. Allez. Merci bien. Un sourire, oui, Mademoiselle Darieux. Pour la caméra, merci. Mademoiselle Darieux, s'il vous plaît. Bon voyage, voilà. Merci, au merci, bon voyage. Oui, encore un sourire, merci, merci. Zut, j'ai mon rimmel qui coule. Ils auraient pu prévoir une maquilleuse pour les raccords. Mais non, tu es très bien. Moins que toi. Même maquillée, je n'aurais jamais ton air d'éternelle jeune fille. L'éternelle jeune fille a l'air de sortir de prison, t'as vu mes cernes ? Au moins, tu as une cabine à toi pour te rafraîchir. Tu es où ? Au fond du couloir, à droite. Tu as de la chance. Nous, on est juste à côté d'Albert Préjean. Il ronfle comme un sonneur. Sûr qu'on va l'entendre à travers la cloison. Bah dis donc, comment tu sais qu'il ronfle ? Henri n'est pas venu avec toi ? Non, il a refusé. Il est bête. Faut bien travailler, non ? C'est sûr. C'est Alfred qui produit le prochain film d'Henri Georges. Ça s'appelle L'Assassin habite au 21. Et j'ai un grand rôle dedans. Félicitations. De toute façon, moi, j'aime bien les Allemands. Ils ont le sens de l'ordre. Et moi, j'aime bien l'ordre. Moi, tout ce qui compte, c'est Ruby. Le reste, je m'en fiche. Dis donc, fais gaffe. Pourquoi ? Faudrait pas qu'il te fasse perdre la tête, ton cubain. Des hommes, tu peux en avoir des milliers. Alors qu'est-ce que ça peut te fiche, ce qu'il devient ? Ça s'appelle l'amour, Suzy. Je te souhaite que ça t'arrive un jour. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux ? Car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Ma chérie, ça y est, demain on sera à Berlin. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Heureusement qu'ils nous ont servi du bon café. Dans 1 heure, on sera arrivés. Comme c'est beau, toute cette neige. J'ai bien fait de prendre ma toque en fourrure. Porfirio, mon amour, chaque minute qui passe me rapproche de toi. Quand je pense que ce salaud de Greven a menacé de s'en prendre à ma famille, il n'avait pas besoin de ça. Je serais allée 1000 fois en Allemagne pour toi s'il l'avait fallu. À ce qu'il paraît, je suis le fleuron du voyage. m'a dit le docteur Dietrich. Le symbole de la collaboration artistique entre nos deux peuples. Quelle blague. Si Henri était venu, on aurait bien ri. Je suis sûre qu'il est resté à Paris pour voir cette petite actrice dont il s'est entiché. Ils me font bien rire avec leur politique. Tout le monde sait que la seule chose qui fait tourner le monde, c'est l'amour. À leur arrivée à Berlin, les acteurs sont transférés à l'hôtel Eden, le plus luxueux de la ville. L'ambiance est détendue et joviale. Après le déjeuner, le docteur Dietrich emmène le petit groupe visiter les studios de la télévision allemande qui vient de mettre au point la diffusion simultanée. Le but du voyage est de montrer aux artistes français la supériorité de la technique allemande et de les encourager à venir travailler à Berlin. Le soir, ils assistent à la première du film de Daniel, Premier rendez-vous. Le public allemand est friand de comédies françaises et la projection est un triomphe. Le lendemain, la visite se poursuit avec le clou du séjour, les studios de cinéma de Babelsberg. Mesdames, messieurs, vous vous trouvez dans les studios où ont été tournés les plus grands films du cinéma allemand. Le cabinet du docteur Caligari, L'Ange Bleu et tous les films de Murnau. C'est également là où la grande Leni Riefenstahl tourne ses films. Mademoiselle Darrieux, vous connaissez déjà les lieux, n'est-ce pas ? En effet, j'y ai tourné plusieurs films. C'est vrai ? Tu jouais en allemand ? Non, en français. Les films étaient tournés deux fois, en allemand puis en français. Alors avant de tourner, on allait épier ce que faisait l'équipe allemande. C'était drôle. Justement, bientôt ce ne sera plus le cas. C'est vrai ? Nous sommes en train de mettre au point une technique d'enregistrement du son séparée de l'image. C'est pas vrai. Yeah. Incroyable. On enregistrera à Paris la voix des acteurs français et on la diffusera sur les images tournées ici. Incroyable. Ça veut dire que les films pourront bientôt être diffusés dans n'importe quelle langue ? En effet. Oh. Et cela, nous le devons en grande partie à notre Führer et Herr Goebbels. Comme vous savez, ils sont tous les deux passionnés de cinéma. Ils le considèrent comme une branche à part entière de notre industrie. Dans quelques années, les films américains ne seront plus qu'un souvenir, détrônés par la grandeur du cinéma du Reich. On dit que le Führer se fait projeter un film par jour. Est-ce vrai ? Tout à fait. Et parfois deux. Venez. Entrez, s'il vous plaît. Ah là là. Oh. Quel endroit. Oh là là. Incroyable. Voici le décor où va être tourné un film sur le grand peintre Rembrandt. C'est magnifique. Nous avons reconstitué un quartier entier d'Amsterdam, avec ses canaux. Et le film sera entièrement tourné en couleur, sur une pellicule Agfacolor. C'est celle que vous voyez sur cette caméra. Je peux tourner la manivelle ? Volontiers, chère mademoiselle Delair. Comme c'est amusant. Attendez, je vais le refaire pour la photo. Quelle cabotine tu fais. Oh, ça va. Tu devrais faire un effort, toi. T'as l'air ailleurs. Vous aurez bientôt l'occasion de parler de cinéma avec Herr Goebbels. Ce soir, vous dînerez à son domicile personnel. Si, quelle heure ? J'espère que je serai en face de lui. Mademoiselle Darrieux, vous serez placée à sa table. Mademoiselle Delair, vous serez à la mienne. Oui, naturellement. Après la visite des studios de Babelsberg, les acteurs assistent à un spectacle du Music Hall. La présence des artistes français et de Daniel Darrieux au premier rang est un élément clé de la propagande nazie. Le spectacle est retransmis en direct sur Radio Paris et les images sont diffusées quelques jours après dans les cinémas parisiens. Le soir même, les artistes sont reçus à dîner chez le couple Goebbels. J'ai envie d'aller à ce dîner comme de me pendre. Je n'en peux plus de ce voyage. Ces journalistes qui ne nous quittent pas d'une semelle, Albert qui se répand en flagornerie, Suzy qui lorgne sur les officiers allemands. Elle est prête à tout, celle-là. On raconte qu'elle est la maîtresse de Greven. Ça m'étonnerait pas. Justement, il m'a appelé à l'hôtel tout à l'heure. Il a insisté pour que je continue le voyage jusqu'à Vienne. Je lui ai dit que ce n'était pas ce que nous avions convenu, mais il m'a dit que je n'avais pas le choix, et il a raccroché. Je savais que c'était un piège. Il faut absolument que je quitte Berlin demain matin. patience, mon Ruby. Personne ne m'empêchera de venir te retrouver. Mais il s'agit de la jouer finement. Sinon, le scandale retentira sur nous deux. Mesdames, ce soir, vous rencontrerez les plus grands acteurs du Reich. Oh là là. Heinrich Georg, qu'on a pu voir récemment dans le chef-d'œuvre Le Juif Zeus, qui a été tourné dans les studios que vous avez visités, et supervisé directement par Herr Goebbels en personne. Il y aura aussi Marika Rück, qui a joué l'an dernier dans le premier film allemand en couleur. Elle a commencé sa carrière à Paris comme danseuse au Moulin Rouge. Ça alors, moi aussi. J'ai été longtemps à l'affiche avec Miss Tinguette. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Il sortait du sanatorium et est allé au music hall pour se changer les idées. Il a écrit une croix sous mon nom dans le programme. Et voilà. Eh bien, il n'a pas traîné. Oh, mais pensez-vous, je l'ai fait attendre. Après, il est revenu me voir tous les soirs avec un bouquet de fleurs, des myosotis ou des roses. Et il m'emmenait dîner. Parfois, on parlait toute la nuit. Ça a duré 6 mois, et puis notre histoire a commencé. C'est merveilleux. Vous, les Français, vous avez vraiment le sens du romantisme. Frau Goebbels, j'ai le plaisir de vous présenter Daniel Darrieux. Bonsoir. Et Suzy Delair. Bonsoir. Votre hôtesse Magdalena Goebbels. Vous pouvez vous adresser à elle dans votre langue, qu'elle parle parfaitement. Vous oubliez mon accent belge. Une faute de goût impardonnable pour les Français. Pas du tout. C'est charmant. J'ai passé mon enfance dans un pensionnat catholique belge près de Bruxelles. Mademoiselle Darrieux, nous étions à votre avant-première hier soir. J'ai été très impressionnée par votre jeu. Je vous remercie, madame. Appelez-moi Magda, je vous en prie. Savez-vous qu'à Berlin, toutes les femmes vous copient ? Il a beau faire un froid de canard, elles portent toutes des jupes courtes et des petits chapeaux de paille tressés comme vous. Et elles ne marchent pas, elles trottinent à tout petit pas. C'est vrai que les Parisiennes ont toujours l'air pressées. Vous allez bien, ma chère ? Oui, oui. Vous avez l'air un peu pâle. C'est normal. Avec le programme que vous leur avez concocté, ces pauvres acteurs n'ont pas une minute à eux. Madame Goebbels, j'ai une demande à vous faire avant le dîner. Bien sûr, venez par là. Excusez-moi, monsieur Dietrich, emmenez mademoiselle Delair au salon. Zegin. Vous avez dit que vous aimiez les histoires d'amour. Sachez que c'est une femme désespérée qui vous parle. Vous pouvez tout me dire, ma chère. J'ai consenti à ce voyage pour pouvoir rejoindre mon fiancé qui est retenu prisonnier à Bad Nauheim. Il n'a rien fait de mal. Son seul tort est d'être l'ambassadeur de la République dominicaine à Paris. Comme c'est exotique. Et vous l'aimez ? À la folie. Je vous comprends. Dans ma jeunesse, j'ai été passionnément amoureuse. Il s'appelait Victor. Et qu'est-il devenu ? Il a émigré en Palestine, où il a été assassiné. Oh mon Dieu. Je suis désolée. Mais en Palestine, vous voulez dire qu'il était juif ? Nous avons tout aimé à en perdre la raison une fois dans notre vie, n'est-ce pas ? Eh bien, je m'étais égarée. Dans ce cas, je suis sûre que vous pourrez me comprendre. La Continentale veut que j'aille en Autriche avec le groupe. Ne pourriez-vous pas demander à votre mari que je parte dès demain à Bad Nauheim ? Je m'inquiète énormément pour mon fiancé. Il est si malheureux là-bas, il boit du matin au soir et j'ai peur qu'il finisse par faire une bêtise. Ne vous inquiétez pas, ma chère Danielle. Peu importe ce que Yosef dira, je m'engage personnellement à ce que vous partiez demain matin. Merci, Magda. Merci. On m'appelle la première dame du Reich, ce qui est très exagéré. Mais pour une fois, si ça peut servir à quelque chose... Je vous en serai éternellement reconnaissante. Il faut bien nous soutenir entre nous, n'est-ce pas ? Car la guerre, au fond, c'est une affaire d'homme. Touchée par l'histoire de Daniel, Magdalena Goebbels obtient de son mari ce que la star lui a demandé. Folle de joie, Daniel fait aussitôt envoyer un télégramme à Porfirio. « J'arrive demain à 7h30. Je t'aime, Daniel. » Le 22 mars 1942, elle l'attend fiévreusement dans le hall de la résidence où il est retenu prisonnier. Oh mon amour! Ma chérie, j'ai bien cru que tu ne viendrais jamais. Et moi donc? Jusqu'au bout, ils m'ont mis des bâtons dans les roues. Laisse-moi te regarder. Tu es magnifique. Tu sais qu'ils ne voulaient pas me laisser entrer parce que je n'avais pas de papier signé par la chancellerie? Ah bon? J'ai dit que j'avais eu l'autorisation orale de Joseph Goebbels, et là, le gardien m'a ri au nez. Alors j'ai insisté, j'ai demandé qu'on appelle le ministère de la Propagande à Berlin. Et là, je vois le gardien qui se décompose. Au bout du fil, il y a Goebbels en personne. Oui, Excellence. Oui, oui, non, pardon, pardon. Pardon, Excellence, c'est une regrettable erreur, Excellence. Oui, oui, non, mais bien sûr, Excellence. Ça ne m'étonne pas. Les Français ont une bureaucratie vertigineuse. Mais les Allemands, c'est puissance mille. J'ai voulu venir te chercher moi-même à la gare, mais l'heure des permissions de sortie était passée d'une minute. Achtung, verboten. Chut, ne recommence pas. J'ai dit au groom qui est venu te chercher, tu la reconnaîtras facilement. C'est la plus belle. Toi aussi, tu es toujours aussi beau. Je la connais pas, cette écharpe. C'est du cachemire? Évidemment. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'il faut se laisser aller. C'est un cadeau d'une admiratrice? Bah, penses-tu? Il n'y a pas de femme ici, que des clampins inutiles comme moi. Nous passons nos journées à boire et à jouer au baseball. Tu as très bien pu te la faire envoyer. Mais tu crois vraiment que j'ai la tête à ça? Ça fait 2 mois que je ne pense qu'à toi. Et moi alors? Porfirio, marions-nous tout de suite. Je ne veux plus attendre. Quoi? Ici? Et pourquoi pas? J'ai une autorisation de visite de 10 jours, c'est suffisant. T'es complètement folle. Ça doit être pour ça que je t'aime. C'est toi qui m'as fait changer. Avant, j'étais sage. Moi, par contre, j'ai toujours été un démon. Viens, je vais te montrer ma chambre. Viens, viens, viens, viens. Le lendemain, les amoureux demandent aux Allemands une autorisation de mariage. Mais le ministre des Affaires étrangères, von Ribbentrop, refuse. Il déteste Goebbels et exige que Daniel quitte l'Allemagne au bout des 10 jours prévus. 5 mois plus tard, Ruby Rosa est libérée en échange d'agents nazis arrêtés en République dominicaine. Les amants peuvent enfin se marier. Ce sera à Vichy en septembre 1942. Après l'invasion de la zone libre en novembre, le couple se réfugie à Megève, puis en région parisienne, où ils passeront la fin de la guerre. À la libération, en novembre 1944, Daniel Darieux est convoqué par la commission d'épuration en raison de sa participation au voyage à Berlin, mais son dossier est classé. Les autres participants écoperont de sanctions mineures. Ruby Rosa, quant à lui, est nommé à Rome, où il reprend sa vie dissipée de coureur de jupons. En 1947, lassé de ses incartades, Daniel Darieux divorce. 2 mois plus tard, en prenant son petit déjeuner au Ritz, elle ouvre France Soir et tombe sur une surprenante nouvelle. Le diplomate dominicain Porfirio Ruby Rosa, grand amateur de cigares et de voitures de sport, va épouser le 15 septembre, en troisième noce, la ravissante Doris Duke. L'heureuse élue n'est autre que la fille du fondateur de l'American Tobacco Company. Eh ben, il n'aura pas perdu de temps. Quel salaud. Là, c'est sûr qu'avec le train de vie qu'il a, il n'allait pas rester longtemps à sec. Je parie que dans 1 an, Miss American Tobacco demande le divorce, délesté au passage de quelques millions de francs. Ça paraît insensé. Mais à cause de Porfirio, j'ai la nostalgie de la guerre. Pour moi, ces années terribles sont à jamais liées à la passion folle qu'on vivait. Quand la vie a repris son cours à la libération, j'ai senti que notre histoire était terminée. Porfirio ne peut pas rendre une femme heureuse. Il ne sait pas être fidèle. Il lui faut un harem. J'ai eu de la chance. À cause des tournages, je n'étais jamais à la maison, sinon j'aurais été dévorée toute crue. Henri s'est bien moqué de moi. Bah, je te l'avais dit, hein. Bien sûr. Tout le monde me l'avait dit. Mais il faut croire que la petite fille sage avait besoin d'épouser un mauvais garçon. 1942, le voyage à Berlin de Daniel Darieux, de Marjorie Philibert, avec Daniel Darieux, Louise-Henri Diquero, Porfirio Ruby Rosa, Carles Romero Vidal, Alfred Greven, Pierre-Marie Schneider, Suzy Deler, Jeanne Jobert, Otto Dietrich, Joren Hagele, Magdalena Goebbels, Sophie Verbeck, les officiers de la Gestapo, Clément Beuchère et Leander Hartmann, le journaliste Antoine Vignal. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Manuel Couturier et Bastien Varigo, assistante à la réalisation Eleonora Farad, réalisation Sophie Haute-Picon. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Paul Laporte, assisté de Frédéric Martin, programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Benjamin Wagon. Jérôme Babenet, alors comment s'est passé pour Daniel Darieux, l'épuration? C'est un épisode sur lequel on est passé un petit peu vite, on a l'impression qu'elle est passée complètement entre les gouttes. C'est une façon de voir les choses, oui, elle est passée un peu entre les gouttes. En fait, elle a été convoquée, comme tout le monde, tous les comité acteurs. Comité d'épuration été... du cinéma. Oui, par le comité, l'un des comités, parce qu'en fait, il y en avait plusieurs, mais disons le principal comité d'épuration. Et quand elle arrive, elle tombe sur Henri Decoing. Son ex-mari. Voilà, son ex-mari, qui fait partie, alors c'est assez curieux, ce qui prouve aussi que c'était assez compliqué à l'époque, parce qu'il est à la fois accusé, enfin il va lui aussi passer devant le comité, et en même temps, il fait partie de ceux qui sont censés juger les autres. C'est un petit peu curieux. C'est un petit peu particulier, et en fait... il va assez rapidement lui faire comprendre qu'elle n'a rien à faire là, et son dossier n'a rien de compromettant, en fait, et en fait elle s'en va, et donc ce sera classé sans suite, et on lui reprochera rien, en fait, voilà. Mais quand même, bon, ça peut sembler peut-être anecdotique et folklorique, ce voyage en Allemagne, mais il me semble tout de même qu'il y avait quelque chose d'important pour les Allemands. C'était une victoire d'avoir Daniel Darieux, par exemple, qui était alors une star, une véritable star internationale, pour la propagande. Donc, la propagande, comme vous le disiez, Jérôme Babenet, qui est extrêmement importante dans la guerre que mène l'Allemagne à ce moment-là. On est en pleine guerre, les Soviétiques sont dans la guerre, les Américains sont entrés donc en décembre 41, donc il y a un enjeu idéologique très fort, et finalement ce voyage a quand même une importance politique. Il a une importance politique, mais vous avez contextualisé la partie, je dirais, belliciste, c'est-à-dire la guerre, mais il y a aussi le contexte culturel. En fait, c'est un voyage qui fait suite à un contexte qui est que les Allemands et les Français ont toujours travaillé ensemble, en tout cas depuis la République de Weimar. Et en fait, ce que souhaite Goebbels, c'est faire venir en Allemagne des acteurs connus, presque tous connus, en tout cas Juni Astor pas tout à fait, pour montrer justement le renforcement de l'amitié franco-allemande. On est dans un contexte différent d'avant la guerre, tout de même. Oui, absolument. Mais c'est-à-dire Goebbels, c'est là, ça c'est quand même le ministre de la propagande d'Hitler. Absolument, mais c'est une opération. La solution finale vient d'être décidée. Quelques mois. Non, bien sûr, mais enfin, il y a un contexte quand même. Il y a un contexte, mais justement, c'est un vrai contexte de propagande, et il s'agit de montrer aux Français et aux Allemands, mais peut-être un peu plus d'ailleurs aux Français, à quel point on peut travailler, continuer à travailler ensemble et faire une espèce de grande Allemagne franco... que tout est normal, voilà. Finalement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de coproduction à ce moment-là entre les deux pays. Il n'y a que deux films français qui sont sortis en Allemagne, deux films d'ailleurs de Darieux, Un premier rendez-vous et Caprice. Et il y a un seul acteur français, c'est Harry Bohr, qui a travaillé, contraint et forcé d'ailleurs, sur un film allemand. Il avait quand même été envisagé très largement de faire travailler Daniel Darieux dans les studios allemands pour faire des films allemands, voire peut-être même des films de propagande. Bon, ça ne s'est pas fait. Alors, je vous propose d'écouter Daniel Darieux. Elle est interviewée le 4 avril 1942 à Berlin par un journaliste français. Bon, le son est très mauvais, accrochez-vous, mais c'est intéressant. Elle rappelle qu'elle a assisté à la première donc de son film à Berlin. Quelle impression vous fait le public allemand, lui demande le journaliste. Merveilleuse, ils sont vraiment extraordinaires. Et le journaliste ajoute, qu'est-ce qui vous a poussé à venir à cette soirée dans une usine de la banlieue berlinoise parmi les travailleurs français? Eh bien, c'est le plaisir de revoir des compatriotes. Et quel est le titre de votre dernier film? Enfant. Le Caprice avec Albert Pajot. Et vous savez probablement que c'est hier qu'on a présenté dans une grande salle berlinoise un de vos derniers films langue française. D'ailleurs j'y étais. Vous étiez de la première. C'est très émouvant, le public était gentil comme tout. Ça oui. Fait... Et l'impression que vous produit le public allemand en général? Oh, merveilleuse, ils sont vraiment... extraordinaire. Un public extraordinaire. Et peut-on vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à venir ce soir dans cette usine de la banlieue berlinoise parmi les travailleurs français? Mais pour le plaisir d'au revoir de compatriotes. Je remercie beaucoup, mademoiselle, je m'excuse de vous déranger. C'était donc Daniel Darieux répondant à une interview à Berlin par un journaliste français présent qui pousse un peu Daniel Darieux vers les bonnes réponses. Hein. On sent qu'il y a de la propagande même chez le journaliste français. Et quand on regarde les images, en l'occurrence c'est le spectacle L'air de Berlin, quand on regarde les images, puisque ça a été en partie filmé, puis il y a pas mal de photos même qui ont été publiées à l'époque, on ne peut pas dire que Daniel Darieux soit très joyeuse d'être là. Je peux vous dire qu'elle fait vraiment la tête. Elle fait la tête, oui. Très clairement. Mais ce qui est quand même une réalité, c'est que il y a des images, il y a plein d'articles qui sortent dans la presse en France. Les Français qui vont au cinéma voient les actualités. Ça a quand même un impact, je pense, que sur le public, de voir que ces acteurs qu'ils aiment, parce qu'ils sont très populaires, eh bien finalement, ils montrent une réalité, d'une normalisation des rapports. Ce que disait l'historien Pascal Horry, il disait qu'il y avait, que c'était quand même plus important de voir ces acteurs familiers que de savoir que Marcel Déa venait d'écrire un livre ou que Doriot venait d'écrire un discours. Ces gens-là, même si effectivement ils viennent là un peu par hasard et pas forcément ils viennent à leur corps défendant, il y a quand même un impact politique, quoi. Il y a un impact politique, je suis pas sûr qu'ils en aient tous été très très conscients, hein. Mais en tout cas, c'est le monde du cinéma, effectivement, il s'agit de montrer au public français que, vous parlez de normalité, normalisation, c'est ça en fait, c'est la normalisation de l'occupation et des relations franco-allemandes telles que le souhaitent les Allemands en tout cas, telles que le souhaitent aussi sans doute d'ailleurs une partie des Français à l'époque. Et Daniel Darieux, alors elle l'a fait uniquement par amour ? Pour Porfirio Rubirosa, elle dira « J'étais une femme amoureuse ». Alors, ça c'est ce qu'elle a dit jusqu'à la fin de sa vie. Moi, je serais tenté de la croire. Évidemment, elle l'a fait très clairement parce qu'elle était amoureuse, elle était réellement amoureuse, c'est une vraie histoire d'amour entre les deux. Après, elle était quand même dans son monde, elle avait cette espèce d'inconscience à la fois de la jeunesse et le fait qu'elle était aussi une star depuis l'âge de 14 ans, donc hyper protégée dans sa bulle. Elle témoigne quand même d'ailleurs après-guerre, de choses qui moi me perturbent un peu. Enfin, comment est-ce qu'on peut arriver par exemple chez Maxim's où il n'y a que des Allemands, quasiment, et dire « Ah bah oui, il y avait peut-être des uniformes allemands ». Est-ce qu'elle a réellement vu ce qui se passait ? Je ne sais pas. L'amour rend aveugle, enfin bon, quand même. Elle va se marier donc avec son amoureux, Rubirosa, en septembre 42. Et à partir de ce moment-là, elle ne filme plus. Sous l'occupation quand même. Non, du tout. Ça c'est quand même elle a rompu à son remarquer. Oui, elle a rompu son contrat. Elle devait faire donc 3 films plus elle a refait ensuite un contrat pour en faire encore au moins un qu'elle ne fera pas. Elle décide qu'elle ne tourne plus. Greven, pour la punir, dit puisque c'est comme ça j'interdis aux médias de parler de vous. Ce sera pas franchement une réussite parce que bon, en fait après guerre elle va même vite reprendre le chemin elle des studios. Reprendre le chemin après avoir fait une pièce de théâtre où ça qui ne marchera pas bien et elle n'aura pas vraiment une traversée du désert, elle repart assez rapidement après en faisant d'autres rôles, des rôles plus matures parce que quand même guerre l'a quand même marqué. L'a un peu changé mais c'est vrai qu'elle n'a plus tourné et elle s'est totalement détournée de la Continentale. En 1959, elle joue Marie-Octobre, c'est un film de Jean Duvivier où elle joue le rôle d'une chef de la résistance, c'est assez cocasse. Oui, c'est assez cocasse. Je me demande si elle n'a pas accepté le film justement pour essayer de racheter ce qu'elle a sans doute raté parce qu'elle a avoué quand même elle-même assez rapidement après guerre qu'elle avait peut-être raté des choses, qu'elle était peut-être passée à côté d'une certaine réalité, surtout à Megève d'ailleurs où il y a pas mal de Juifs qui ont été arrêtés. Elle a rien vu, donc voilà. Elle est comme beaucoup de Français, peut-être. Oui, certainement. Mais elle est plus connue que les autres. Ouais. C'est ça aussi. On attend quand même de sa part peut-être d'autres réactions. Donc Daniel Darieux va tourner jusqu'en 2010, son dernier film, Pièce montée de Denis Granier de Fer. Elle avait 93 ans, donc elle va mourir en 2017. Oui, à 100 ans. Donc elle avait pris le pari depuis très jeune d'ailleurs, qu'elle irait jusqu'à 100 ans. Elle a tenu jusqu'à 100 ans et elle est morte quelques temps après. Après avoir tourné 110 films. Ça doit être à peu près ça, En énormément. 80 ans. Elle a traversé le XXe siècle, en fait tout le cinéma parlant. Merci beaucoup Jérôme Babenet. Votre Merci livre « Voyage à Berlin, Daniel Darieux sous l'occupation » a été publié en 2023 aux éditions Talendier. À lire également de Clara Laurent, « Daniel Darieux, une femme moderne » au Nouveau Monde Édition. Et sur le voyage des intellectuels français dans l'Allemagne nationale-socialiste, « Le vertige nazi » d'Alexandre Saintin, publié chez Passé Composé. C'est la fin pour ce soir de Temps n'emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où comme toujours, j'attends vos commentaires avec impatience ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons dans la Russie des tsars sur les pas d'une artiste, la danseuse Anna Pavlova. Quand on demandait à Nureyev qui était son danseur préféré, il répondait « C'est une danseuse, Anna Pavlova. Elle parlait avec son corps », disait-il. Anna Pavlova ou l'histoire d'une petite fille pauvre de Saint-Pétersbourg qui allait faire rêver le monde entier. Anna Pavlova, icône de la danse, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter.